trop de questions sur ce qui ne va pas. Est-ce que je dois me faire une raison? Est-ce que tu changeras? Dis-moi la vérité. Dis-moi ce qui ne va pas chez toi. Essaierais-tu de tout gâcher? Je sais, parfois j'en fais trop, mais je suis comme ça. J'accepte bien tes défauts, fais-en autant pour moi. Jamais je n'aurais pensé que l'amour pourrait s'étouffer. Toi qui m'aille, toi qui m'aille.